السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، se retrouve aujourd'hui par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour faire le cours numéro 29. Et nous en sommes arrivés par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala à sourate Al-Kafiroun. Naam, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سورة الكافرون les infidèles, c'est une sourate mécoise. Et elle fait partie des deux sourates qu'on appelle sourate al-ikhlas, de la sincérité. Celle-ci, sourate al-kafirun, et sourate al-ikhlas, comme on va le voir inshallah wa ta'ala après. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le lisait dans la prière de sunnat al-fajr, dans la prière du Fajr, dans la Sunna, ainsi que celle du Maghreb, dans la Sunna de la prière du Maghreb. Et il l'a récité aussi dans les deux unités de prière qu'on fait après lors du Tawaf, lorsqu'on fait la Umrah ou le Hajj. Et car elles contiennent la sincérité dans l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, et l'éloge fait à Allah dans ses attributs parfaits, dans ses noms et ses attributs parfaits, comme dans Sourate Al-Ikhlas. Et il y a dans Sourate les infidèles ici, les mécréants, un 5 versets du désaveu de la religion des associateurs, comme on va le voir. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction approximative, dit, ô vous les infidèles. C'est-à-dire dit, à tous les infidèles, qu'ils soient, et tous les infidèles qu'ils soient, que ce soit les associateurs, les juifs, les chrétiens, les adorateurs de feu, etc. Dis-leur en annonçant et en déclarant ouvertement et clairement, je n'adore pas ce que vous adorez. La a'budu ma ta'budun. C'est-à-dire, je me désavoue totalement, ouvertement et intérieurement, de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Mais plutôt, j'adore seul Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. Et je n'adore pas ce que vous adorez parmi les statues, les idoles, les arbres, les pierres et les tombes et d'autres choses, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. Et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Car vous n'êtes pas sincères envers Allah dans vos adorations. Toutes les adorations que vous faites sont accompagnées d'associations, de shirk. Et ils ne sont pas appelés adorations. Même si vous adorez Allah subhanahu wa ta'ala dans certaines catégories d'adoration, certes, vous associez à Allah dans toutes vos adorations. Car vos adorations sont vaines. Et l'association, le shirk, annule l'adoration. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, dans la traduction approximative, en effet, il t'a été révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera vaine, sera certes vaine, et tu seras très certainement du nombre des perdants. Donc même si les associateurs ont adoré Allah dans certaines adorations, ils ont mélangé ces adorations avec du shirk. Ils ont adoré en dehors d'Allah, avec Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas leurs adorations. Et Allah subhanahu wa ta'ala a répété ensuite, il dit, وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Donc pourquoi il a répété ici Allah subhanahu wa ta'ala? On va lire l'avis de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il dit que dans les versets numéro 2 et 3, c'est-à-dire « Je n'adore pas ce que vous adorez et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore », cela concerne, c'est la négation qui concerne les actes. qui concerne les actes. Et dans ces versets qu'on vient de citer, numéro 4 et 5, « Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. » Ici, il est question de l'acceptation et de l'agrément. C'est-à-dire ici, je n'agrée pas, je n'accepte que mon adoration et je n'accepte et je n'agrée pas votre adoration. Vous non plus, vous n'adorez pas Allah et vous n'acceptez pas de l'adorer. Naam. Ceci là est l'explication de ces deux versets. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Lakum dinukum waliyadin » À vous votre religion et à moi ma religion. C'est-à-dire à vous votre religion que vous attribuez et que vous confessez et à moi ma religion. Je me désavoue de votre religion et vous vous désavouez de ma religion. Donc cette sourate, elle appelle à se désavouer. Hein? Des associateurs dans ce qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle appelle aussi à se consacrer uniquement à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il est l'unique sans associé. Ainsi se termine ce bref commentaire de cette sourate. On a dit, inshallah ta'ala, on va essayer d'abréger. Ensuite, on continue, inshallah, avec sourate Al-Nasr. Sourate Al-Nasr. Naam. Les secours. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, إذا جاء نصر الله والفتح وأرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire. Il y a dans cette noble sourate une bonne nouvelle annoncée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a aussi un ordre d'Allah envers son messager. Lorsque va se réaliser cette bonne nouvelle. Et quelle est cette bonne nouvelle? C'est la victoire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée à son messager sallallahu alayhi wa sallam, la conquête de Mecca. Et cette conquête, comme disent les savants, s'est réalisée pendant Ramadan, de l'année 8 de l'Hégire. De l'année 8 de l'Hégire. Et la cause, c'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait conclu un pacte avec Quraysh à Hudaybiyah, dans l'an 6 de l'Hégire, Quraysh a rompu ce pacte. Il a rompu le pacte. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam décida d'attaquer Quraysh et de conquérir la Mecque. Alors il sortit de Médine avec à peu près 10 000 habitants, 10 000 combattants. Ils ont alors entouré Quraysh. Ils les ont entourés par surprise, sans que Quraysh le sache. Et sont rentrés à Mecca, walhamdulillah victorieux, pendant Ramadan le 20e jour, en l'an 8 de l'Hégire. Après être rentrés dans Mecca, les gens de Quraysh se sont réunis dans la mosquée sacrée et attendaient ce qu'allait faire d'eux le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'adressa à eux et dit, « Ô gens de Quraysh, que pensez-vous que je vais faire de vous ? Que pensez-vous que je vais faire de vous ?» Ils dirent, « Du bien, ô frère généreux et le fils d'un frère généreux. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors, « Je vous dis comme a dit Youssouf à ses frères, Youssouf alayhi salam, à ses frères, pas de récrimination contre vous aujourd'hui. Partez, vous êtes des gens libres. » Donc, subhanallah, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, malgré que Quraysh lui avait fait du mal, lui avait porté préjudice, lui avait fait la guerre, l'avait sorti de l'endroit qu'il aimait le plus, il leur a pardonné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam là, leur a pardonné. Et suite à cela, un grand nombre de personnes sont rentrées dans l'islam. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ensuite, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, c'est-à-dire par groupe. Alors qu'avant, ils rentraient un par un, et même des fois en cachette. Mais là, ils rentrent groupe après groupe. Beaucoup d'entre eux sont devenus ses frères, sa famille, ses alliés, alors qu'ils étaient auparavant ses ennemis. Alors cette bonne nouvelle s'est en effet concrétisée. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son prophète, lorsqu'il verra le signe, c'est-à-dire que les gens entrent en foule dans l'islam, Allah lui ordonne d'être reconnaissant envers son Seigneur et de célébrer par la louange la gloire de son Seigneur et de lui demander pardon. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Alors par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir. Naam. Donc le signe ici, il y a deux signes, comme on a dit. Le premier signe est le fait que la victoire et le secours sera sans cesse accordé à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que cela se réalisera en augmentant la glorification par la louange d'Allah et sa miséricorde du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam proclame, célèbre la gloire de son Seigneur et implore son pardon, par cette cause, Allah subhanahu wa ta'ala va accorder le secours et la victoire. Comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, car cela fait partie du remerciement. Et si vous êtes reconnaissant, alors je vous augmenterai. Et cela a eu lieu au temps des califes bien guidés. Et après eux aussi dans cette communauté. Allah subhanahu wa ta'ala n'a cessé d'accorder la victoire jusqu'à ce que l'islam a atteint ce qu'il a atteint et qu'aucune religion n'avait atteint. Et les gens entraient dans cette religion, ce qu'aucune autre religion n'avait connu, jusqu'à qu'il apparut dans cette communauté des désobéissances et les contradictions de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala les a éprouvés. Et ils se sont ensuite, cette communauté s'est ensuite divisée, et il est arrivé ce qu'il est arrivé. Malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala leur fait miséricorde, et il est doux. Et il est doux envers eux. Naam. Donc malgré cela, cette communauté et cette religion possèdent comme miséricorde d'Allah et compassion de sa part ce qui ne peut être imaginé ou pensé. Et quant au deuxième signe, c'est le signe que la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam approche et touche à sa fin. Dans cette sourate, il y a le signe que la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam approche et touche à sa fin. Et ceci se réalisa, car il vécut peu après cela. Et ensuite il mourut, sallallahu alayhi wa sallam, après qu'Allah a parachevé pour lui, par lui, la religion. Et par cette sourate, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a su que son terme approchait. C'est pour cela qu'il multipliait la demande de pardon et célébrait la gloire de son Seigneur, comme il est rapporté d'après Aïcha, radiallahu anha, qui a dit qu'après la révélation de cette sourate, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait aucune prière sans dire dans ses inclinaisons et ses prosternations « Pureté à lui, ô Allah, pureté à toi, ô Allah, et louange à toi. Pureté à toi, ô Allah, et louange à toi. Ô Allah, pardonne-moi. Ô Allah, pardonne-moi. » Naam. Ainsi se termine cette brève explication de cette sourate, walhamdulillah. On continue, inshallah ta'ala, avec sourate al-Masad. Sourate al-Masad, les fibres. يقول الله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Sourate al-Masad, les fibres. Naam. Comme il est venu de Ibn Abbas, radiallahu anhu, qu'Allah l'agré, qu'il a dit, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, reçut l'ordre de son Seigneur d'avertir les gens qui lui sont le plus proches, il monta sur la colline de, sur le mont de Safa. Et il se mit à appeler de vive voix, ennemi en vue, ennemi en vue. À ce moment-là, les membres de la tribu de Quraysh se regroupèrent autour de lui. Et il leur dit, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, si je vous annonce que l'ennemi vous attaquera, descendra de cette montagne et vous attaquera, ne me croiriez-vous pas? Ils lui répondirent, certes oui, car tu es pour nous véridique. Il ajouta alors, je vous avertis qu'un châtiment douloureux vous atteindra. Alors à ce moment-là, Abu Lahab, qui est l'oncle du prophète, l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit alors, puisses-tu périr? Il lui a dit, puisses-tu périr? Est-ce pour cela que tu nous as réunis? Alors Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre cette sourate en disant, tabbat yada abi lahabin wa tab, que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Donc, Abu Lahab, qui est l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait une forte animosité envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui portait beaucoup préjudice. Hein? Et il n'avait pas de religion. Abu Lahab n'avait pas de religion. Il n'avait aucun sentiment et ni enthousiasme envers les proches, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah l'enlaidisse. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala l'a blâmé et réprimandé de cette énorme réprimande qui est une humiliation sur lui jusqu'au jour du jugement. Allah subhanahu wa ta'ala dit que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Naam. Donc ici, c'est une invocation contre lui. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab. Ici, c'est une invocation contre lui. Et la parole que lui-même périsse, ici, c'est une information. Au sens qu'il a certes péri et a obtenu la perdition. Donc, c'est-à-dire ici, quand il dit Allah subhanahu wa ta'ala que périssent les deux mains d'Abu Lahab, c'est-à-dire que les deux mains d'Abu Lahab périssent, qu'elles soient détruites et se perdent, et qu'ils soient malheureux, et qu'ils ne soient jamais parmi les gagnants. Naam. Donc, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'utilise ici, que périssent les deux mains d'Abu Lahab, hein, c'est au sens que lui-même périsse. Naam. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Abu Lahab était riche. Il avait de la fortune. Mais cela ne lui a pas été bénéfique, car il était sur la mécréance. Et de même, ce qu'il a acquis comme bien ou enfant, cela ne lui a servi en rien et ne l'a pas sauvé du châtiment d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Bien au contraire, sa fortune et ce qu'il a acquis comme bien ou enfant lui ont fait transgresser les limites. Ont été une cause pour qu'il transgresse les limites et s'enfle d'orgueil, car il a mécru en Allah subhanahu wa ta'ala et s'est opposé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe d'une autre information. Il dit, Sayasla naran dhat alahab. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. C'est-à-dire que le feu le cernera et l'entourera de tous les côtés. Lui et qui? Wamra'atuhu hammalat al-hatab. De même, sa femme, la porteuse de bois. Sa femme aussi, Ummu Jamil, Arwa bintu Harbin, Urtu Abi Sofiane, la sœur de Abu Sofiane. Elle était une aide pour son mari, Abu Lahab. Elle était une aide pour lui dans sa mécréance, son reniement et son opposition au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, car elle avait aussi une grande animosité et une haine envers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui portait préjudice autant qu'elle le pouvait. Elle faisait la guerre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ici, de même sa femme, l'invocation contre elle au début, Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, hein, que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse, aussi que périsse hein, la femme, sa femme aussi. Donc l'invocation ici, contre elle, elle lui est destinée aussi. Naam, la porteuse de bois. Il y a eu beaucoup de paroles par rapport à ça, l'explication de la porteuse de bois. Il a été dit qu'elle, parce qu'elle colportait entre les gens pour alimenter l'animosité. Elle colportait des paroles pour mettre entre les gens la corruption et l'animosité. Naam. Il a été dit aussi qu'elle portait du bois avec des épines dessus, afin de les poser sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de le nuire. Donc elle portait du bois et il y avait des épines dessus et elle le posait sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'elle le nuise. Et d'autres disent qu'elle porte et regroupe sur son dos les péchés comme quelqu'un qui porte du bois. Elle porte les péchés sur son dos comme quelqu'un qui porte du bois. Et il a enfin été dit dans l'explication que dans l'enfer, wal'iyadu billah, elle portera le bois pour son mari afin qu'il brûle, afin qu'il soit châtié. En ayant autour de son cou, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit fi jidiya hablun min masad, à son cou une corde de fibre. Une corde de fibre en feu. Hein, de feu par laquelle elle sera châtiée. Qu'Allah nous en préserve. Naam. Donc il y a dans cette grande sourate des miracles, hein, des signes, car Allah subhanahu wa ta'ala a informé qu'Abu Lahab et sa femme périront. Et ils ont certes péri. Et seront en perdition. Et que les deux brûleront dans un feu plein de flammes. Et ils ne sont donc pas rentrés en islam et sont morts dans la mécréance. Et tout cela s'est produit de la manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a annoncé. Et ceci est un miracle parmi les miracles et un signe parmi les signes évidents. Ainsi se termine l'explication de cette sourate. Barakallahu fikum. On continue, inshallah ta'ala, avec sourate Al-Ikhlas. Sourate Al-Ikhlas. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. La cause de la révélation de cette sourate, comme a dit Cheikh Al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, est que les associateurs, ou les juifs, demandèrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur décrire son Seigneur. Allah fit alors descendre ces versets. قل هو الله أحد. Dit, قل. Il est Allah unique. Dit ici, cette parole est adressée à la fois au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'ensemble de la communauté. Il est Allah unique. Autrement dit, c'est lui Allah subhanahu wa ta'ala dont vous parlez et au sujet de qui vous vous interrogez. Il est unique. Signifie ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique dans sa majesté et sa grandeur et qu'il n'a ni semblable, ni semblable et ni associé. Il est unique dans ses noms et ses attributs, il est unique dans sa seigneurie et il est unique dans son adoration. Allahu Samad, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Et cette phrase, elle est indépendante de celle qui précède. Allah subhanahu wa ta'ala, il met en évidence ici qu'il est As-Samad. Allahu As-Samad. Et la définition la plus globale ici, Wallahu A'lam, c'est que As-Samad signifie que celui qui se caractérise par la perfection de ses attributs et dont dépendent toutes les créatures. Celui qui se caractérise par la perfection de ses attributs et dont dépendent toutes les créatures. Car il a été aussi en effet rapporté qu'Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, dit, définit ce terme en disant « le parfait dans sa science, dans sa clémence et dans sa puissance ». Donc, ce qui signifie que Allah subhanahu wa ta'ala se suffit à lui-même et qu'il n'a guère besoin de ses créatures. Il y a d'autres définitions de, du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala As-Samad, mais celle-là est la plus globale, la plus générale et la plus globale, wallahu a'lam. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a jamais engendré ni ne l'a été. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'a point de semblable, gloire et pureté à lui. Naam. Donc ici, il n'a pas été engendré non plus. Donc ici, quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit « lam yalid wa lam yulad », donc il n'a jamais engendré, ici ça vient démentir ce que disent les associateurs, les juifs et les chrétiens. D'accord ? Car les associateurs disent que Allah subhanahu wa ta'ala fit des anges, des femelles, c'est-à-dire les filles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont dit que c'était les filles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les juifs, quant à eux, disent que Uzair est le fils d'Allah. Et les chrétiens faisaient de même en soutenant que Isa était le fils d'Allah. Ta'ala Allah amma yaqulun. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dément donc là leur affirmation en disant il n'a jamais engendré. Il n'a pas été engendré non plus. Étant donné qu'il est gloire et pureté à lui, le premier à qui rien n'a précédé, comment peut-il donc être engendré ? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Et nul n'est et nul ne lui est égal. Autrement dit, rien ne lui est égal dans ses noms et ses attributs, et ni dans ses actions. Naam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dément dans cette sourate la possibilité qu'il ait pu engendrer ou être engendré, et qu'il puisse avoir un semblable. Et comme vous le savez, cette sourate possède un énorme mérite, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son propos, qu'elle équivaut au tiers du Coran. Qu'elle équivaut au tiers du Coran. Naam. Et il y a dans cette sourate la description d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs les plus parfaits et les plus beaux. Ainsi se termine l'explication de cette sourate. On continue, inshallah ta'ala, avec sourate Al-Falaq. Sourate Al-Falaq. يقول الله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. On va lire inshallah تعالى l'explication de Cheikh Saadi, Cheikh Nasser Saadi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il dit à titre d'explication de cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala dit, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ, dit, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante. C'est-à-dire, dit ici, tout en te réfugiant auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je cherche protection. C'est-à-dire que je me tourne uniquement vers Allah subhanahu wa ta'ala et je sollicite sa protection contre, c'est-à-dire le Seigneur de l'aube naissante. Le Seigneur, on va voir ici après, c'est contre le mal des êtres qu'il a créés. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ici, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. Je cherche protection. Dit, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante contre le mal des êtres qu'il a créés. Et le Seigneur de l'aube naissante, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui fend le grain et le noyau. Et celui qui fend l'aube naissante et la distingue de la nuit. Contre le mal des êtres qu'il a créés, min sharri ma khalaq. Et ceci, comme dit Cheikh Saadi ici, ça englobe tout ce qu'Allah a créé comme humain, djinn et même les animaux. Et je rajoute ici, parce que Cheikh Al-Uthaymin nous dit dans l'explication aussi, même de sa propre âme, car l'âme est très incitatrice au mal. Et c'est même la première chose visée ici, contre le mal des êtres qu'il a créés. Donc quand tu demandes protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal des êtres qu'il a créés, ta propre âme, celle qui est incitatrice au mal bien sûr, c'est la première chose visée. Donc ici on sollicite la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal qu'ils peuvent contenir. Naam. Et après avoir généralisé, donc ici Allah subhanahu wa ta'ala il a dit contre le mal des êtres qu'il a créés, c'est-à-dire tous les êtres qu'il a créés, Allah cite en particulier certains mots. Certains mots, le pluriel de mal. En disant, وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ, contre les mâles des ténèbres quand elles ont tout envahi. C'est-à-dire contre le mal qui peut survenir quand l'obscurité de la nuit s'installe. Contre le mal qui peut survenir quand l'obscurité de la nuit s'installe et se répand sur les gens, laissant la voie libre à beaucoup d'âmes mauvaises et de bêtes nuisibles. Naam. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Contre le mal des sorcières. Parce que النَّفَّاثَاتِ ici, c'est les sorcières. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala ici, il a dit les sorcières au féminin, comme ils disent les savants, car la plupart des sorcières, ce sont les femmes, qu'Allah nous préserve. Même s'il y a aussi les hommes, ça rentre aussi dans ce verset. Donc contre le mal des sorcières, c'est-à-dire contre le mal des sorcières qui font des talismans, qui font des sortilèges et des charmes à l'aide de nœuds noués par elles. C'est-à-dire qu'elles nouent des nœuds, puis soufflent en visant par cela une personne précise qui sera touchée par la sorcellerie. Qui sera touchée par la sorcellerie. Donc il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala protection contre le mal des sorcières qui font ces formes de mécréance. Naam. Et la sorcellerie, comme vous le savez, fait partie de la grande mécréance qui fait sortir la personne de l'islam. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Contre le mal de l'envieux, quand il envie. C'est-à-dire contre le mal du jaloux, hein, quand il envie. Et le jaloux, ici l'envieux, c'est celui qui désire la disparition d'un bienfait de celui qui l'envie, en œuvrant à sa disparition avec tout ce qu'il possède comme moyen. Donc tu le vois alors, la poitrine resserrée. Envier cet homme à qui Allah a accordé un de ses bienfaits, dont les biens, la science, le rang, etc. Donc il l'envie, il le jalouse, et il veut aussi que ses bienfaits disparaissent de lui. Et c'est pourquoi on a besoin de demander la protection d'Allah contre son mal et contre ça, hein, sa perfidie, yani ces choses, hein, qui nuit. Donc celui qui possède le mauvais œil aussi, il entre dessus. Il entre aussi dans cette catégorie. Comme il dit Cheikh Saadi ici, que celui qui possède le mauvais œil, hein, ça entre aussi dans cette catégorie. Pourquoi ? Parce que le mauvais œil ne peut provenir que d'un envieux, que d'un jaloux au tempérament mauvais, méchant et d'une âme nuisible. Donc il faut demander aussi protection contre la jalousie et contre le mauvais œil. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme il est venu dans le hadith authentique, le mauvais œil est une vérité. Le mauvais œil est une vérité. Donc cette sourate, elle contient donc la demande de protection contre toutes ces formes de mauvaises choses, toutes ces formes de maux. Hein, elle prouve aussi que la sorcellerie, qu'Allah nous en préserve, est une réalité concrète. Donc, hein, il faut demander protection contre la sorcellerie. Naam. Et il y a beaucoup de manières pour se débarrasser de ces choses et pour s'en préserver. Il y a beaucoup de choses à dire sur cela. On va citer juste deux choses que Cheikh Al-Uthaymin a citées dans son explication. La première est le fait d'accrocher son cœur à Allah subhanahu wa ta'ala, revenir constamment à Allah subhanahu wa ta'ala et de placer sa confiance en lui seul. Et la deuxième, c'est d'utiliser les invocations légiférées du Qur'an et de la Sunna. Demander à Allah subhanahu wa ta'ala de le protéger contre ses maux et de faire des invocations qui sont légiférées dans le Qur'an et la Sunna. Et ceci, par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa volonté, elles le protégeront et lui préserveront du mal de ces choses. Et bien sûr, les invocations du matin et du soir sont importantes pour le musulman. Elles sont une forteresse pour lui. Il faut les préserver. Mais il faut les lire continuellement et avec un cœur présent. Il faut que le cœur soit présent lorsque tu les lis. Naam. Ainsi se termine l'explication de cette grande sourate, sourate Al-Falaq. Naam. On continue, inshallah ta'ala, avec la dernière sourate, sourate An-Nas. Sourate An-Nas. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul bismillah ar-Rahman ar-Rahim, qul a'udhu bi rabbin nas, ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نعم. الله سبحانه وتعالى دي la traduction approximative dit, قل je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, c'est-à-dire auprès d'Allah سبحانه وتعالى, gloire et pureté à lui, car c'est lui le Seigneur des hommes, mais également le Seigneur des anges, des djinns, des cieux et de la terre, du soleil et de la lune. Non, bien qu'il soit le Seigneur de toutes choses, Allah cite spécifiquement ici les hommes, car cela correspond au sujet que va aborder cette sourate. Hein? Non, sourate An-Nas. Ensuite, il dit Malik An-Nas, le souverain des hommes, c'est-à-dire le souverain qui dispose de l'autorité absolue suprême et du pouvoir absolu sur les hommes. Sur toute la créature. Ilah innas. Il dit ensuite, dans la traduction, Dieu des hommes. On va voir ici au sens ilah. Hein, c'est la divinité, Allah subhanahu wa ta'ala, qui mérite seul l'adoration. Donc, c'est-à-dire celui à qui ils doivent adresser leurs adorations. Car celui qui est dignement adoré, celui que les cœurs adorent, aiment et vénèrent, c'est Allah, gloire et pureté à lui. Et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala est nul et faux. Donc c'est lui, la divinité, seul en réalité qui mérite l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala, na'am. Tayyib. Ensuite il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, min sharri al-waswas al-khannas, contre le mal du mauvais conseiller furtif. Yuwaswisu fi suduri an-nas, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, des gens. Al-waswas, quand il dit min sharri al-waswas, contre le mal, hein, al-waswas, ici désigne toutes les mauvaises idées, les illusions et autres imaginations que traversent les esprits. Et quant au terme al-khannas, il renvoie ici à Shaytan. Il renvoie à celui qui se retire. Al-khannas, c'est celui qui se retire, qui recule et disparaît lorsqu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, le Shaytan, il disparaît. Hein? Comme pour l'appel à la prière. Lors de l'appel à les prières, ce dernier, le shaitan, il se sauve. Il se sauve en émettant des gaz, afin de ne pas l'entendre. Et il revient une fois l'appel achevé. Pareil pour l'iqama. Lorsqu'il y a l'iqama, le second appel, hein, ça provoque de sa part la même réaction. Hein, il recule, il part, il disparaît. Après quoi, il revient à la charge pour perturber l'individu dans sa prière, en lui rémémorant des choses auxquelles il ne pensait même pas, au point de lui faire oublier combien de rak'at il a accompli, pour le détourner de sa prière, de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça ici qui souffle le mal dans les poitrines des hommes. Naam. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan-nas. Qu'il soit un djinn ou un être humain. Donc les mauvaises suggestions peuvent émaner aussi bien des djinns, hein, ce que ces derniers circulent dans l'être humain, hein, comme le sang dans les veines, que des hommes. Ça concerne aussi les hommes. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait combien ce qui inspire le mal et l'embellisse à l'individu au point de le convaincre d'admettre le mal. Et de l'appliquer. Wal a'yadu billah. Naam. Donc, Shaytan, lui, il veut s'interposer entre les hommes, hein, et la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour laquelle il a créé les êtres. Hein, en faisant d'eux des quoi? Des suppôts afin qu'ils soient parmi les habitants de l'enfer. C'est son but. Donc, il est obligatoire de se réfugier auprès du Seigneur des hommes. Hein, leur roi, le Malik, le souverain, leur souverain, pour se détourner des mauvaises suggestions du shaitan. Comme on a dit, les mauvaises suggestions, elles peuvent concerner aussi bien les humains que les djinns. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit ici, min al-jinnati wan-nas. Naam. Et comme il a rapporté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour coutume, une fois dans son lit, alors, avant de dormir, de lire ces trois sourates. De lire ces trois sourates qui sont Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas. Puis il soufflait dans ses mains pour essuyer ensuite son visage, hein, ainsi que toutes les parties qu'il pouvait atteindre de son corps. Donc il convient, Inch'Allah ou Ta'ala, à nous tous, hein, de chercher la sunna, d'appliquer la sunna, tel que nous a été rapporté. Naam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi lisait après les cinq prières quotidiennes ces sourates. Naam. Car elles sont une protection pour le croyant et la croyante, pour le musulman et la musulmane. Ainsi se termine, walhamdulillah, sourate An-Nas. Et nous avons terminé par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala l'explication de Juz'amma, l'explication résumée de Sourate An-Naba, la nouvelle, jusqu'à Sourate An-Nas. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir accordé le fait de pouvoir finir cette explication. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala la sincérité dans nos actions, dans nos paroles, dans nos intentions. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala que tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on a dit dans l'explication de ces sourates soit une preuve pour nous et non contre nous le jour du jugement. Et qu'il rende bénéfique à nos propres personnes et ensuite aux gens cette science. Et qu'il nous fasse partie des gens qui lisent le Coran comme il se doit et qu'ils le comprennent d'une bonne compréhension, la compréhension des gens de la sunna et du consensus, et surtout de pratiquer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'elle soit une preuve pour nous et une lumière pour nous le jour du jugement. Je remercie inshallah wa ta'ala notre directeur, le directeur du Merkez Youssouf, Abu Abdel Razak, de nous avoir permis par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir faire ces cours. Et on remercie aussi tous ceux qui ont participé à ce séminaire concernant le Coran. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde et qu'il leur accorde aussi la réussite. Je remercie aussi, inshallah wa ta'ala, tous les participants, ceux qui ont écouté, les auditeurs, les auditrices. Qu'Allah nous facilite et nous fasse miséricorde. Et on espère se retrouver très bientôt, inshallah wa ta'ala, pour continuer, inshallah wa ta'ala. Wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, jazakumullahu khayran, wa baraka fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.